Chapitre 31e. Monsieur Penrose se croit donc empoisonné ? Dit tout bas le major Leland à Barbara pendant que Madame Maurice est allée chercher la fiole d'ammoniac. C'est une hallucination qui ne se renouvellera pas, j'espère. Je vous déclare que moi aussi je trouve chez Monsieur Penrose tous les symptômes d'un empoisonnement. Juste ciel ! Mais qui peut ici vouloir attenter à ses jours ? Peut-être, après tout, est-ce accidentel ? Toujours est-il qu'il faut apporter le remède immédiatement par l'emploi des stimulants les plus énergiques. C'est, selon toute apparence, un poison narcotique. Je me rappelle qu'un jour, étant à l'ambulance, un malade s'était si bien trouvé d'une dose de digital que, violant les prescriptions du médecin, il vida la fiole et faillit en mourir. L'ammoniaque seul le sauva. Vous croyez donc que Vivien a pris de la digital sous une forme quelconque ? Dit Barbara, en réchauffant dans ses mains brûlantes les mains glacées de son mari. Au même moment, la porte s'ouvre. Madame Maurice entre, suivie de Marc, qui descend évidemment de cheval, car il tient encore son fouet à la main. « Comment va mon frère ?» s'écrie Marc d'une voix profondément émue. « Il vit encore, grâce au conseil d'un ancien ami de Barbara, » lui répond Mademoiselle Prissy, sans autre explication ou commentaire. « Qu'a dit Didcot, il n'est pas à Camelot. » « Alors il fallait envoyer chercher le médecin de Launceston. On l'attend. » Puis, s'approchant du major Leland, il lui demande avec anxiété « Êtes-vous bien sûr que votre ordonnance lui soit salutaire ?»« Je n'ai pas la prétention de savoir la médecine, mais j'ai vu beaucoup de malades, et l'expérience peut suppléer au savoir. »« Espérons que vous avez reconnu le mal et que vous employez le meilleur moyen pour le combattre. »« Je n'en doute pas. Je fais pour M. Penrose ce que j'aurais fait pour mon frère en pareil cas, et déjà je reconnais une certaine amélioration dans son état. » Marc prit la main du major Leland et la lui serra affectueusement. « Y a-t-il longtemps que mon frère a perdu connaissance ? Depuis midi. Est-ce le cœur qui est atteint ? J'attribue cette crise, qui n'est pas une maladie, à l'absorption d'un poison lent. »« D'un poison ? » s'écrie Marc. « Qui a pu l'empoisonner ? » ?»« C'est à vous et à Madame Penrose à découvrir ce mystère. » Marc se rappelle alors l'étouffement soudain, la suffocation qu'il avait éprouvée, après avoir bu le verre de bière destiné à Vivien, et il dit « C'est à croire en effet à quelque machination infernale. » Et faisant d'un œil inquiet le tour de la salle, son regard s'arrête sur un visage aux joues blêmes dont les pommettes embrasées semblent porter l'empreinte d'un baiser du diable. Marc s'élance vers le lit de son frère et s'appuie contre les oreillers sur lesquels repose Vivien en lui faisant comme un rempart de son corps. Tous les souvenirs de l'enfance renvoient en ce moment à Marc leurs images chéries. Il voudrait racheter du plus pur de son sang ce frère qui lui a donné tant de preuves de bonté et d'affection. « Ah ! » se dit-il, « si quelqu'un ici a ourdi cette trame, ce n'est pas moi qui l'épargnerai. » L'effet des stimulants administrés par George Leland commence à agir. Le cœur du malade bat plus régulièrement. Les lèvres et les joues se colorent peu à peu. « Je le crois sauvé, » dit enfin le major. « Ne pourrait-on lui donner un peu d'émétique ? » demande Marc. « Il est trop tard maintenant. Je fais ce que j'ai vu faire un médecin quand j'étais à l'ambulance. Il a sauvé son homme et j'espère être aussi heureux que lui. Vous êtes un brave et honnête homme. Je suis l'ami fidèle et dévoué de Madame Penrose. C'est mon seul mérite. » Marc reste rivé au chevet de son frère. Barbara est assise près de lui. George Leland, debout, les yeux attachés sur son malade, lui tâte le pouls. Au fond de la chambre se tiennent Mademoiselle Penrose et Madame Maurice. La première a entre les mains un livre intitulé « Baume pour les affligés », qu'elle fait semblant de lire, et un flacon de sel. Madame Maurice cherche à se dissimuler autant que possible derrière le fauteuil de sa maîtresse et à faire oublier sa présence. « Dieu soit loué, c'est enfin le docteur !» s'écrie Barbara en voyant entrer l'esculape campagnard. « Le major Leland va vous expliquer, » lui dit-elle, « ce qu'il a déjà fait. » À la demande du docteur, tout le monde eut évacué la chambre du malade à l'exception de Madame Penrose et du major Leland. Marc n'obéit qu'à regret à cette consigne. Tout en se dirigeant lentement vers la porte, il regarde attentivement le visage de Madame Maurice qui, de blême, devient pourpre. Mademoiselle Prissy s'éloigne aussi avec une répugnance visible, disant que personne, pas même Madame Penrose, ne prend un aussi grand intérêt qu'elle-même à la santé de Vivien. Madame Maurice sort à son tour la tête basse et comme écrasée, sous une préoccupation qui n'est pas de la charité pour le prochain, mais de la peur pour elle-même. Après s'être assuré que la porte est bien fermée, M. Flordyce, c'est le nom du docteur, s'approche du lit de M. Penrith et demande depuis combien de temps il est dans cet état. « Depuis midi, » répond Barbara. « Mon mari, ajoute-t-elle, a déjà eu une crise semblable il y a quelques jours, mais il attribue celle-ci au poison. » J'ai vu d'abord dans ce soupçon l'indice de la folie, mais le major Leland a trouvé un étrange désordre dans la circulation du sang et il partage les mêmes appréhensions que Vivien. « Permettez-moi de vous demander, mon jeune confrère, sur quoi vous basez votre diagnostic ?»« Torpeur invincible, pouls faible, gonflement des lèvres. » Ces symptômes étant tout à fait identiques à ceux qu'avait provoqué un poison narcotique, j'ai employé les mêmes moyens que j'avais vu alors appliquer avec succès. « Quelle était la nature du poison dans le cas que vous citez ?»« La digitale. » « Je vois que votre traitement a fait merveille. » « Et tout fait présager que la crise est à son déclin. » « Constatez-vous un retour sensible de vitalité ?»« Lent, mais certain. » « Je ne saurais en vérité mieux faire, » dit George Leland, « que de laisser M. Penrith entre vos mains. »« Adieu, Madame Penrith. »« Vivien !» s'écrie Barbara, voyant les yeux de son mari fixés sur le major Leland. « Ne lui direz-vous pas un mot avant son départ ? Ne le remercierez-vous pas de vous avoir sauvé la vie ?»« Pourquoi lui être reconnaissant d'un bienfait aussi problématique ?» Peut-être aurait-il 100 fois mieux valu que je mourusse. Je n'accepte aucun remerciement. J'ai fait pour M. Penrith ce que j'aurais fait pour tout autre dans de pareilles circonstances, ce que j'ai fait bien souvent pour les malheureux colériques que je trouvais sur mon chemin. Adieu, M. Penrith. Pourquoi ne resteriez-vous pas ici ? Dit Barbara au major en l'accompagnant jusqu'à la porte. Le docteur va sans doute nous quitter tout à l'heure, et nous serons encore privés de tout secours. « Si on a tenté d'empoisonner Vivien, il doit y avoir un ennemi caché dans la maison. »« Que savez-vous de cette veuve qui est au service de votre belle-sœur ? » dit George Leland. « Rien, si ce n'est que Mademoiselle Prissy la tient en grande estime. »« J'ai conçu d'elle une opinion toute contraire. »« Et peut-être que votre beau-frère est de mon avis. » »« Le regard singulier qu'il lui a jeté tout à l'heure m'a frappé. »« Je suis dévoré d'inquiétude, Major Leland, et je vous serai très reconnaissant de rester ici. » « Si vous me le demandez, je reste. Qu'est-ce qu'il y a pour moi de plus doux que de vous obéir ?»« Je ne puis quitter la chambre de mon mari, mais ma mère et ma sœur seront heureuses de vous tenir compagnie. Au revoir donc, Major Leland. » Puis Barbara retourne près du lit de Vivien. « Savez-vous que vous avez été heureuse d'avoir dans votre voisinage un homme aussi intelligent et dévoué que le Major Leland ? » dit le docteur Flordyce en s'adressant à Madame Penrith. « Je vais continuer le traitement qu'il a ordonné. Toutefois, je désire faire quelques recommandations à la garde malade qui soigne M. Penrith. »« Je ne confierai ce soin à personne, et vos prescriptions, docteur, seront scrupuleusement exécutées. »« Je ne saurais, du reste, vous quitter aussi longtemps que M. Penrith sera sous le coup de cette crise. Puis, il n'y a pas à hésiter sur la cause qu'il a provoquée, et mon devoir n'est pas simplement de conjurer le danger, mais d'en prévenir le retour. » Permettez-moi de vous demander si personne ici ne vous inspire le moindre soupçon. Je ne sache pas que Vivien est un seul ennemi. Il n'est pas sans exemple, malheureusement, de voir des médicaments provoquer des symptômes d'empoisonnement. Depuis sa dernière maladie, mon mari a reçu les soins de M. Didcot. Veuillez, je vous prie, le faire appeler au plus vite. Barbara tire le cordon de la sonnette et dit « Prenez le dog-car, allez de suite chercher M. Didcot. » Dites-lui que sa présence est urgente ici et que je l'attends. »